إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du samedi 28 شوال 1430 ce qui correspond au 17 octobre 2009 dans le cours numéro 44 du deuxième tome de du fameux fabuleux livre Al-Aqida Al-Wasitiya. La fois passée, Inch'Allah Ta'ala, dans le cours, on avait dit que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah avait dit que rentre dans le comportement des gens de la Sunna et de la Jama'a, du consensus, le fait de suivre les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On dit les traces, ça veut dire sa sunna. Batinan wa zahiran, c'est-à-dire ce qui est à cacher et ce qui est apparent. Et il avait dit aussi, et ça on l'a expliqué aussi, il avait dit, et rentre aussi dans le comportement des gens de la sunna, le fait de suivre le chemin de ceux qui nous ont dévancés. C'est-à-dire les tout premiers, les précurseurs. Al-Muhajirin wal-Ansar, min al-Muhajirin wal-Ansar, ceux qui ont fait la hijra de la Mecque vers Médine et les Médinois. Naam. Pourquoi Cheikh Al-Islam a cité cela? Pourquoi il n'a pas cité, pourquoi il n'a pas dit ça rentre dans la religion de suivre le messager d'Allah et ça suffit? Mais il a ajouté non seulement suivre le messager d'Allah, mais suivre aussi quoi? Suivre aussi le chemin de ce qu'on appelle les purs prédécesseurs. Donc, en fait, voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce qui nous différencie des autres, quoi? Des autres fractions et des autres sectes. Les autres, même s'ils disent, on suit le Coran et la Sunna, mais comment suivent-ils le Coran et la Sunna? D'après quelle compréhension? D'après la compréhension des Mu'tazilites ou bien d'après la compréhension des chiites? Ou bien d'après la compréhension des Ash'arites, ou bien d'après la compréhension des Soufis, ou bien d'après la compréhension des Jahmites, ou bien d'après la compréhension des Ikhwan Muslimoun, ou bien d'après la compréhension des Tablir, ou bien d'après la compréhension des Habash. D'après quelle compréhension? Je peux te donner un verset, je peux te donner un hadith, mais on ne va pas le comprendre de la même façon. Or nous, on a cette faveur, ou alhamdoulilah, Alhamdulillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir notre cœur sur ce sentier. Quelle faveur? De comprendre l'islam d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Non. D'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ce qui est dommage bien sûr, c'est que de nos jours, même les takfiriyin, même les khawarij, même les ahbash, même, jouent aussi avec cette phrase. Ils disent que nous aussi, yani, on apprend notre islam d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Mensonge, mensonge, mensonge. Kaborat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Il n'y a pas plus grand, yani, kaborat kalimat, plus grand mensonge, yani, que de dire cette chose. Il n'y a pas plus grand mensonge chez un takfiri, chez un khariji, de dire quoi? Que de dire que je suis qui? Je suis les pieux prédécesseurs. Al-Mu'im. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, on verra. Demain quand on va mourir, on va voir quels sont ceux qui suivaient vraiment les pieux prédécesseurs et qui suivaient le vrai islam, et on va voir ceux qui suivaient le faux et qui prétendaient suivre le juste. Donc ça, inshallah ta'ala, on l'a vu. Aujourd'hui, ce qu'on va expliquer, c'est lorsque Ibn Taymiyyah a dit, rentre aussi dans le comportement des gens de la sunna, ittiba wasiyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rentre dans le comportement des gens de la sunna, le fait de suivre le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce testament? Ce testament, c'est lorsque le messager d'Allah a dit Alaykum bi sunnati. Il vous incombe de suivre ma sunna. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et il vous incombe aussi de suivre la sunna des califes bien guidés. Des califes orthodoxes bien guidés qui viendront après moi. Tamassaku biha. Tamassaku biha. Accrochez-vous-y. وعضوا عليها بالنواجذ et mordez-y avec les molaires. Ensuite, il a dit عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور et gare aux innovations. فإن كل محدثة بدعة car toute innovation dans le din est une hérésie. بدعة est une hérésie. وكل بدعة ضلالة et chaque hérésie est un égarement. Et j'ajoute aussi que le messager d'Allah a dit aussi wa kullu dalalatin fin nar, et chaque égarement est dans le feu, chaque égarement est en enfer. Ce rajout que n'a pas ajouté Cheikh Ibn Taymiyyah, que j'ajoute, où le messager d'Allah a dit wa kullu dalalatin fin nar, et chaque égarement sera en enfer, vous pouvez le trouver bien sûr dans un hadith authentique dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, hadith numéro 1353. Donc, inshallah ta'ala, c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. Ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Lorsque Sheikh al-Islam, alayhi rahmatullah, a dit, naam, une seconde, inshallah. Muslim, si tu es sur une speak, écris-moi que vous m'entendez, barakallahu fik. Si tu es sur une speak, écris-moi que vous m'entendez. Barakallahu fik. Alhamdoulilah. Comme ça, moi, je sais qu'ils entendent. Donc, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est lorsque Cheikh l'Islam a dit rentre dans le comportement des gens de la Sunna, le fait de suivre le testament du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le testament, c'est quoi? C'est Al-ahdu ila ghayrihi bi amrin ham. C'est quoi un testament? C'est lorsque yani, on enjoint à une personne, ou là on enjoint à autrui quelque chose de très important. On lui enjoint à faire, ou là à respecter, ou là à ne pas faire quelque chose vraiment de très important. Donc c'est quoi ici le testament? Le messager, alayhi sallam, avant de mourir, nous a laissé un testament dans lequel il dit « Alaykum bi sunnati ». Il vous incombe de suivre ma sunna. Naam. Wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et il vous incombe aussi de suivre la sunna des califes bien guidés. Des califes bien guidés. Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah dit wa awwal man yadkhul fi hadha al-wasf wa awla man yadkhul fi al-khulafa al-arba'a. Il a dit les califes bien guidés, les premiers qui rentrent dans la phrase les califes bien guidés, ce sont les quatre grands imams. Abu Bakr, Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, wa Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, le messager d'Allah a dit, non seulement qu'il faut suivre ma sunna et la sunna des califes qui vont venir avant moi, mais il a montré que ces califes qui allaient venir étaient bien guidés. C'est comme ça qu'il les a décrits. Il n'a pas dit suivez des califes. Il a dit suivez des califes bien guidés. Subhanallah al-Azim. Rashidin Mahdiyin. Bien guidés. Donc, et ensuite, il n'a pas dit seulement suivez-les, mais il a dit accrochez-vous-y et mordez-y avec les molaires. Subhanallah, quand quelqu'un veut une chose, naam, il la tient avec les molaires et il la mord avec ses molaires, ce qui est quoi? Un indice que vraiment il tient à cette chose et qu'il ne veut pas la lâcher. C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui se dispute avec quelqu'un et qui le mord. Il le mord, yani, s'il pouvait, il n'enlèverait pas ses dents. Naam, tellement, yani, il a la rage dans le cœur. Naam. C'est un peu comme ça qu'il faudrait que, yani, yani, une rage d'amour, si ça existe. Yani, tellement on devrait aimer la sunna, tellement on devrait aimer, naam, les pieux prédécesseurs, que tout ce qu'on a d'eux, tout ce qui nous arrive d'eux, qui est bien sûr sahih, on devrait le mordre et ne plus le relâcher de nos dents jusqu'à mourir, bi-idhnillah azza wa jal. Cheikh Allah yarhmou, Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhmou dit, ثم يأتي رجل في هذا العصر. Ensuite va venir une personne en notre époque, ليس عنده من العلم شيء, qui n'a rien dans la tête et qui n'a aucune science, et qui va dire, ويقول أذان الجمعة الأول أذان الجمعة الأول بدعة. Cheikh Allah yarhmou a dit, ensuite va venir, yani le messager d'Allah a dit, suivez les califes bien guidés. Ensuite, il y a quelqu'un de notre époque qui n'a rien dans la tête, aucune science, et qui va dire, le premier adhan est un, yani ce adhan-là est une bid'a. Car vous savez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la Jumu'ah, combien qu'il y avait de adhan? Il y avait un seul adhan. On appelait à la prière une seule fois. Exactement lorsque l'imam monte sur le mimbar. Dès qu'il monte, yani, il s'assoit, il dit salam alaykoum, il s'assoit, le mu'adhin, il commence à faire le adhan. Mais au temps de Uthman ibn Affan, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ajouté un autre adhan. Un autre adhan, il l'a ajouté dans un endroit qui s'appelle Bab al-Zawra, qui se trouve à peu près à 250 mètres ou 300 mètres de la mosquée, de la grande mosquée où lui, radiallahu ta'ala anhu, il faisait ce salat al-Jumu'ah. Il l'a ajouté quelque temps avant qu'il monte lui sur le mimbar. Pourquoi? Parce que il a dit, si je monte directement sur le mimbar et il commence à faire le adhan et je commence la khutba, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas assister à la khutba parce que ils sont dans le souk, dans le marché, en train de vendre et d'acheter, celui de l'autre il est chez lui. Donc quand ils vont entendre le adhan, c'est trop tard. Le temps qu'ils prennent pour arriver à la mosquée, peut-être la khutba sera terminée. Il a dit alors, je vais faire un adhan devant le marché. Devant le marché. Et ce adhan, quand les gens l'entendront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comprendre qu'il ne reste pas beaucoup pour que l'imam monte le mimbar et commence la khutba. Alors, ils vont arrêter le commerce et se diriger vers la mosquée. Donc, ce premier adhan que Uthman ibn Affan a ajouté n'existait pas au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et maintenant, notre époque, certaines personnes qui n'ont aucune science vont venir et vont dire, Uthman ibn Affan a fait une bid'a. Il a fait une bid'a en ajoutant un adhan que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fait. Non. Il a dit, فَنَقُولُ لَهُ. Cheikh Lahmou a dit, alors on lui répond, on lui dit, إن سنة عثمان رضي الله تعالى عنه سنة متبعة إذا لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ ابن عثيمين من أدي الله يرحمه إلى أدي لوسك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في une chose et que cette chose ne contrarie pas une sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit alors on doit suivre ce qu'a fait عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Pourquoi? Parce que c'est le hadith qui a dit comme ça. Le hadith l'a dit, il vous incombe de suivre ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Et Uthman ibn Affan est l'un des quatre califes bien guidés. Et le messager d'Allah t'a dit de suivre sa sunna à lui. À lui, yani à Uthman ibn Affan. Or, il a dit, Cheikh ibn Uthaymeen Allah il a dit, وَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ مِنْكَ وَأَغْيَرُ عَلَى دِينِ اللَّهِ بِمُعَارَضَتِهِ. Quelque chose de très important ici, dit le cheikh. Il a dit, Lorsque Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu a ajouté le premier adhan qui n'existait pas au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que yani, les compagnons, tous les autres compagnons, les centaines de compagnons, les milliers qui étaient présents, qui habitaient Médine, il a dit, tous ceux-là, n'am, sont en plus de science que toi et que moi, que toi qui dis que c'est une bid'a. Non. Il a dit, tous les sahabas ont plus de science que toi et sont plus jaloux de la religion que toi. Alors, comment se fait-il que aucun de ceux-là ne s'est levé et n'ait dit à Othman ibn Affan, pourquoi tu as ajouté ce adhan est bid'a. Vous voyez? Donc, c'est très logique. C'est très logique. Othman ibn Affan ajoute un adhan et les centaines et les milliers de sahabas présents, aucun d'eux ne lui dit à Othman ibn Affan pourquoi tu as ajouté ce adhan est bid'a. Alors que tous ces sahabas connaissent le dîn mieux que nous, connaissent la bid'a mieux que nous et sont plus jaloux du dîn que nous. Il a dit premièrement, il a dit, Othman ala il a dit ensuite, Othman ibn Affan, quand il a ajouté ce adhan, il s'est basé sur quelque chose. Quelle est cette chose? Il a dit, Othman ibn Affan s'est basé sur autre chose. Quelle est cette chose? Il a dit, au temps du messager d'Allah, Bilal, radiallahu ta'ala anhu, appelé, on sait, faisait un adhan avant salat al-fajr. Pas pour la salat, pas pour que les gens viennent faire la prière, mais juste pour que celui qui était en train de faire la prière de la nuit s'arrête et se prépare pour salat al-fajr. Et aussi pour réveiller quelqu'un qui dort. Donc il a dit, le adhan qu'a fait Bilal, ce n'était pas pour salat, mais c'est pour que les gens se préparent. Il a dit, فَأَمَرَ عُثْمَانَ بِالْأَذَنِ الْأَوَّلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ il a dit, la même chose a fait Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Il a rajouté ce adhan, pas pour que les gens, pas pour dire que l'imam est monté sur le minbar, là il y a l'imam, ou là qu'il y a l'imam, mais pour que les gens se préparent et viennent à la mosquée. Il a dit, لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام. Il a dit pourquoi? Parce que, au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Médine était petite, une petite ville. Mais, au temps de Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, Médine est devenue une très grande ville, très grande ville. Et s'il monte directement sur le minbar et appelle directement à Salat al-Jumu'ah, beaucoup vont rater Salat al-Jumu'ah. Il a dit, c'est pour ça que il a ajouté ce azan, pourquoi? Pour que les gens sachent que yani, il ne reste pas longtemps pour Salat al-Jumu'ah, donc on va arrêter de faire le commerce et on va arrêter toute chose qui pourrait nous détourner de Salat al-Jumu'ah. On se prépare à aller à Salat al-Jumu'ah. Naam. Moi j'ajoute ici une petite chose. Lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que aucun des sahaba, radiallahu ta'ala anhum, n'a dit que ce adhan était une bid'a. J'ouvre une parenthèse pour dire que il y a un sahaba qui a dit que ce adhan était une bid'a. Ce sahabi, c'est qui? C'est Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu. Abdullah, le fils d'Omar ibn Khattab. Il a dit ce adhan est une bid'a. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un autre avis, et cet avis qui me plaît hein, beaucoup plus que cet avis, c'est qui? L'avis du Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Que dit le deuxième avis? Que dit l'avis du Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou? Il dit que si nous, de notre temps, en notre temps, naam, on vit les mêmes circonstances qu'a vécu Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, alors il est permis de rajouter un autre adhan dans les mêmes circonstances et le même contexte. Il a dit, mais de dire que comme ça, yani, en général, le premier adhan qu'a rajouté Othman ibn Affan est une sunna, il a dit non, ça c'est impossible. Il a dit, la meilleure sunna, c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en son temps, il n'y avait qu'un seul adhan. Il a dit, si quelqu'un voudrait ajouter maintenant un deuxième adhan, maintenant de notre temps maintenant 2008-2009, si quelqu'un veut ajouter un autre adhan, il faut quoi? Il faut que ça remplisse les mêmes conditions, les mêmes circonstances, les mêmes contextes que au temps de Othman ibn Affan. C'est-à-dire quoi aussi? C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire maintenant un deuxième adhan, alors qu'il le fasse devant l'endroit où les gens ont besoin d'entendre cet adhan. Qu'il le fasse par exemple devant le grand marché, comme a fait Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, devant Bab Zawra. Mais le malheur, c'est quoi? C'est que maintenant, les gens qui font ce adhan, ce premier adhan, hein, le font à l'intérieur de la mosquée. Donc, à l'intérieur de la mosquée, donc il n'a plus aucun rôle. Car Othman ibn Affan l'a fait devant le marché, où les gens faisaient le commerce pour qu'ils sachent que c'est le moment. Et ce n'est pas à l'intérieur de la mosquée. Donc, l'avis le plus juste de dire que c'est de dire quoi? C'est de dire si on a besoin de cet adhan, hein, qu'on remplit les mêmes conditions, hein, dans lesquelles Othman radiallahu ta'ala a fait ce adhan, nous aussi on le fait. Sinon, hein, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmoud dit, فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, Ahl Sunna, les gens de la Sunna et du consensus suivent même ce que le messager d'Allah leur a conseillé et leur a préconisé, comme par exemple le fait de suivre la sunna des califes bien guidés, des califes qui viendront après lui. Comme Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu ta'ala, il a dit, « Illa idha khalafa kalama rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mukhalafatan sariha. » Il a dit, sauf si ces califes vont faire, ou la vont nous apporter, quelque chose qui contrarie une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. Il a dit, mais dans le cas où un des califes, par exemple, nam, nous rapporte ou nous rajoute quelque chose qui va à l'encontre de la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ou bien nous dit une parole qui contrarie la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On délaisse, avec respect bien sûr, on délaisse la parole du sahabi, la parole du calife bien guidé, on la délaisse et on lui trouve d'excuses en disant quoi? En disant ça rentre dans les efforts. Ce grand calife, radiallahu ta'ala anhu, ce grand sahabi, a fait quoi? A fait des efforts et bien sûr, il n'est pas infaillible. Sauf le messager d'Allah qui est infaillible dans le din. Tous les autres sont faillibles. Donc on va dire ce grand calife, il s'est trompé ici. Il s'est trompé ici. Il est excusé devant Allah Azzawajal. Mieux encore, il a quoi? Il a des récompenses. Il a des récompenses pour avoir fait des efforts et s'être trompé. Allah Ta'ala, bien sûr, ne lui donne pas des récompenses pour s'être trompé, mais lui donne des récompenses pour avoir fait des efforts. Naam. Ensuite, le messager d'Allah a dit wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Je vous mets en garde, hein, contre les innovations. Je vous mets en garde contre les innovations. Et les innovations ici, bien sûr, le messager d'Allah parle des innovations dans le din. Naam. Des innovations dans le din. Sinon, une chose innovée, c'est quoi? C'est une chose nouvelle. Une chose nouvelle, si elle n'est pas dans le din, elle peut être bien. Comme la voiture, c'est une chose nouvelle. L'ascenseur, c'est une chose nouvelle. La fusée, c'est une chose nouvelle. Et comme ça. Mais le messager d'Allah est en train de parler des choses nouvelles qui vont venir dans le din. Ce qu'on appelle, nous, la bid'a. Ce qu'on appelle en français l'hérésie. Une chose, une doctrine contraire à la religion. Il a dit, attention donc, aux innovations, ensuite cela dit, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, car toute innovation dans le dîn est une bid'a, est une hérésie. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Pour vous expliquer c'est quoi l'hérésie, c'est quoi la bid'a, il nous faudrait gagner au moins 3 ou 4 cours seulement pour parler de la bid'a. J'ai laissé spécialement pour le prochain cours, inshallah ta'ala, sinon l'autre qui viendra après, on ne parlera que de la bid'a. C'est quoi la bid'a? C'est ses différentes sortes, son jugement, c'est qu'il moubtadir et comme ça. Car c'est très important. Pourquoi c'est très important? Car beaucoup de gens disent d'une chose qui n'est pas bid'a, ils disent c'est une bid'a. Subhanallah, ils ne font pas la différence. Une chose qui n'est pas bid'a, ils disent d'elle c'est une bid'a. Et d'autres, une chose qui est bid'a, ils te disent ce n'est pas une bid'a. Tu lui dis telle chose. Par exemple, l'anniversaire du messager de Allah, c'est une bid'a. Te dit non, c'est pas une bida. Et autre chose, c'est pas la ladim, qui n'est pas bida, il te dit c'est une bida. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La réponse est très claire. Parce que cette personne ne sait pas quelle est comment on appelle ça, quelle est la définition de la bida. Non. Si on était d'accord sur la définition de la bida, c'est telle et telle chose, alors là, yani, on serait d'accord pour dire que cette chose est une bida ou elle ne l'est pas. Mais si une personne ne sait même pas que ça veut dire bida, alors elle dira des choses qui ne sont pas bida, elle va dire c'est une bida. Et des choses qui sont bida, elle va dire non, c'est pas une bida. Non. La bida, inshallah ta'ala, comme on va le voir la prochaine fois, c'est. Yani, bon, la bida, bien sûr, on parle de celle dans le dîn. C'est toute chose qu'on fait dans le dîn. Sans avoir de délit, sans avoir un verset ou un hadith. Ou alors on peut ajouter aussi, par exemple, l'ijma'. Mais l'essentiel, en général, c'est de faire une chose dans le dîn, avec l'intention d'adorer Allah Azzawajal, sans avoir de délit. Sans avoir de délit. Naam. Tayyib, le messager de Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Attendez, qu'est-ce qu'il disait? Cheikh Ibn Outhaymine ici explique, il a dit, le messager d'Allah est en train de parler des innovations dans le dîn. Il a dit, quant aux choses, des innovations qui sont dans la dunya, il a dit, ça ne rentre pas dans ce hadith. Pourquoi? Il a dit, il a dit, parce que la règle dans les choses de cette dunya, dans les choses qu'on innove dans cette dunya, la règle, c'est que la base, c'est la permission. Naam. C'est la permission. Celui qui dit que telle chose dans la dunya, dans cette vie, est illicite, alors celui-là, il doit donner un délil. Pourquoi? Parce que la règle dit que tout est halal, sauf s'il y a un délil qui dit que c'est illicite. Tayyib, non, il a dit, « Mabtoudi amina fa huwa halal, illa an yadul la dalil ala tahrimi, lakin la umur dini l'aslu fiha al-hadr. » Il a dit, « Mais, les choses qui ont trait avec la religion, là-bas, c'est quoi? La règle, c'est que tout ce qu'on fait dans la religion est haram et bid'a. Sauf si on a un délil du Coran et de la Sunna qui montre que cette chose est permise. Vous comprenez? Parce que des fois, on parle avec des gens, on leur dit, par exemple, telle chose, quand ils font une chose, dans la religion, bien sûr, on leur dit telle chose est bid'a, par exemple. Ils vont vous dire quoi? Ils vont renverser la chose. Ils vont vous dire, donnez-moi un délit, c'est bida. Qu'est-ce que tu leur dis quoi? Tu leur dis toi, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis, mais c'est à toi de donner un délit, c'est sunna. Non, parce que tu es en train de faire une chose dans la religion. Et dans la religion, quand on fait une chose, on doit avoir son délit, sinon ça devient bida, sinon c'est haram. Toute adoration dans le dîn est haram à la base. Sauf si tu as un délit que c'est halal. Et toute adoration dans le dîn est quoi? Est bid'a. Sauf si tu as un délit que c'est sunna. Donc ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à moi de te donner un délit que c'est bid'a. C'est à toi de me donner un délit que ce que tu fais existe dans le dîn. Allah Ta'ala a dit, et le messager d'Allah a dit. Sinon ça devient bid'a. Non. Ensuite il a dit, donc le messager, qu'a-t-il dit? فإن كل محدثة بدعة. Toute innovation dans le din est une hérésie, bidah. نعم. وكل بدعة ضلالة. Et toute hérésie, toute bidah est un égarement. Toute hérésie, toute bid'a dans le din est un égarement. Ça aussi, on va le voir, inshallah, la prochaine fois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la bid'a dans le din se divise en deux groupes. La bonne bid'a et la mauvaise bid'a. Nous, on dit, tout cela n'est pas vrai. Pourquoi? Car le message d'Allah a dit kullu, kullu, kullu ça veut dire tout. Kullu bid'atin dalala. Toute bid'a est un égarement. Toute innovation est un égarement. Toute hérésie est un égarement. Subhanallah al-Azim. Le message de l'a dit, toute bid'a est un égarement. Et toi, tu dis non. Tu dis non, la bid'a se divise en deux. Il y a une bonne bid'a et une mauvaise. On va dire, si tu es en train de parler de la dunya, d'accord. Dans la dunya, il y a des bonnes bid'a et il y a des mauvaises bid'a. Naam. L'ordinateur, c'est une bonne bid'a si tu le comment on dit ça, si tu l'emploies dans les choses qui ne sont pas haram. Si tu l'emploies dans le haram, ça devient une mauvaise bid'a. Non, il y a plusieurs choses dans la dunya qui sont ou bien bonnes bid'a, innovées, elles ont été innovées, ou bien mauvaises bid'a. Mais dans le din, il n'y a pas cela. Pourquoi? Car le message là a dit toute bid'a est un égarement. Comment toi tu vas dire exception, telle et telle chose, elle est bonne, elle est bien. Donc tu contredis le messager d'Allah, sauf si tu connais mieux que lui le din. Tu connais mieux que lui le din, ça c'est autre chose. Dis-nous encore, comme ça on commence à te suivre. Sinon, c'est lui qui a dit toute innovation est un égarement. Naam. Cheikh Lahmou a dit ici, naam, il a dit le messager d'Allah, est le meilleur, c'est-à-dire le plus savant de toutes les créatures. Et il a dit, Afsah al-Khalqi Bayan, il est le plus éloquent quand il parle en arabe. Et il a dit, il est le plus véridique quand il parle dans les informations. Et il a dit, il n'y a pas quelqu'un comme lui qui aime les nasiha pour les gens. Il a dit, donc, il a quatre choses que nous, on n'a pas. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit kullu bid'atin dalala. Il a dit toute hérésie est un égarement. Toute bid'a est un égarement. Donc vous voyez, le message là a quatre choses qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a plus de science que nous dans le din. Naam, il est plus éloquent quand il parle arabe, mieux que nous. Il est plus véridique que nous. Nous, de temps en temps, on ment. Lui, il ne ment jamais. Et il aime les gens, il aime leur faire la nasiha plus que nous. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toute bid'a est un égarement. Wa ala hada, fa kullu man ta'abbada Allah azza wa jalla bi'aqidatin aw qawlin aw fi'lin lam yakun min shari'ati Allah azza wa jalla fa huwa mubtadi'. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen rahmuhu a dit, c'est pour cela que toute personne qui va adorer Allah azza wa jalla avec une aqida ou bien une parole ou bien un acte qui ne se trouve pas dans la sharia d'Allah Azza wa Jal, il a dit, celui-là c'est un mubtada. Donc je disais, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou dit, c'est pour ça que toute personne qui adore Allah Azza wa Jal avec un dogme, une aqida, ou bien une parole, ou bien fait un acte, et tout cela, sans qu'il revienne à la sharia d'Allah Azza wa Jal, il a dit, c'est un mubtada, c'est un innovateur. Fal jahmiyatu يتعبدون بعقيدتهم ويعتقدون أنهم منزهون لله عز وجل والمعتزلة كذلك نعم والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة. Il a dit par exemple les jahmites, ils adorent Allah عز وجل avec quoi? Avec une aqida qui est pleine d'égarements. Il a dit المعتزلة la même chose, les أشاعرة la même chose. Il a dit tout cela sont quoi? Sont dans la bida, sont dans la bida. والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون الله عز وجل بذلك ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون الله بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة وفي الأقوال وفي الأفعال كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة. نعم. Il a dit aussi ceux qui inventent comme ça des choses à dire, adkar, ils inventent des choses à dire comme ça, subhanallah, bon, subhanallah, alhamdoulilah, bon, ça existe. Mais eux, des fois, ils placent ces choses-là dans des endroits où il ne faut pas les placer, ou bien dans des moments où il ne faut pas les placer. Il a dit, tout cela, bien sûr, font des bid'a, tout cela font des bid'a, et le message d'Allah a dit, chaque bid'a est un égarement, chaque bid'a est un égarement. Ensuite, il dit, ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen dit que la bid'a et le fait de faire la bid'a, d'elle, il a dit de la bid'a, découle de graves dangers. Pourquoi la bid'a, c'est très grave chez Allah Azza wa Jal. D'abord, il faudrait que vous sachiez que les savants, quand ils classent des péchés, ils classent d'abord qui? Ils disent le premier grand péché, c'est quoi? C'est le shirk. Ensuite, deuxième grand péché, c'est la bid'a. Ensuite, troisième, il y a les péchés, grand péché, c'est le grand péché. La fornication, le vol, l'alcool, la drogue. Ensuite, quatrième péché, c'est le petit péché. Donc vous voyez où ils ont mis la bid'a? Ils l'ont mise juste derrière le grand shirk. Juste derrière le grand shirk vient qui? Vient la bid'a. C'est ensuite, après elle, que vient yani le grand péché. L'alcool, la drogue, la fornication, c'est seulement après la bid'a. Pour voir que la bid'a, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Au point où le messager d'Allah a dit que yani Allah Ta'ala a fait un voile, a fait un voile entre lui et le mubtadi'. Naam. Comme a dit le message d'Allah a.s. que inna Allah hajaba an mubtadi' at-tawba hatta yada'a bid'atahu. Il a dit que Allah Ta'ala a mis un voile, naam, entre le mubtadi' et sa bid'a, yani que yani il peut pas faire la tawba jusqu'à ce que yani Allah Ta'ala n'accepte pas de lui sa tawba jusqu'à ce que il délaisse sa bid'a. Pourquoi le mubtadi' est grave? Pourquoi? Parce que le mubtadi' croit qu'il est dans le juste. Naam, celui qui boit l'alcool, est-ce qu'il croit qu'il est dans le juste? Jamais. Tu lui parles un peu du dîn, il commence à pleurer. Tu dis, ça, Allah Ta'ala harama. Allah Ta'ala a dit, c'est haram l'alcool. C'est moi qui bois, naam, c'est de ma faute. Mais inshallah Ta'ala, je vais arrêter. Celui qui vole, sait que le vol est interdit. En islam, on aurait dû lui couper la main. Et que dans son cœur, il sait que s'il meurt comme ça, c'est grave pour lui. Celui qui fume la drogue, c'est la même chose. Tous savent qu'ils sont dans l'erreur et que c'est illicite ce qu'ils font. Mais le mubtadi', l'innovateur, jamais il ne sait qui c'est qu'il est dans l'erreur. Il te dit au contraire. Allah Ta'ala a dit, il te cite le verset. Le messager d'Allah a dit, il te cite le verset. Il te dit, c'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi le mubtadi'. Yani, subhanallah, il a le cœur tellement scellé que il voit les choses à l'envers. Allez parler avec un takfiri, allez parler avec un takfiri. Comme j'ai entendu une fois un grand takfiri ici sur Pâle, qui s'appelle Salah 19, l'égaré, le chien de l'enfer. J'ai entendu une fois, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi, yani, j'étais avec les grands douats. Il a cité, il a dit, j'étais avec Cheikh Firkouz, j'étais avec. Il a cité même les grands Ibn Baz. Il a dit, je vais assister. J'ai assisté à, je ne sais pas, l'autre qui. Je crois qu'il a cité Mohsen Labed, je ne sais pas qui. Il a dit, Cheikh Azdine aussi d'Algérie. Il a cité comme ça les grands, les savants et les grands talabatouin. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce que fait le shaitan au Mubtadi'. Il a dit, Elhamdoulillah, Elhamdoulillah, Allah Ta'ala m'a guidé et m'a éloigné de cela. Subhanallah, vous voyez le Mubtadi', qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez quelqu'un quand il est dans la bid'a, qu'est-ce qu'il dit? Il remercie Allah Ta'ala de l'avoir éloigné de ses grands savants. Pourquoi? Parce que pour lui, yani, il ne fait pas exprès, pour lui, ces grands savants sont devenus des innovateurs. Et c'est lui, Salah 19, qui a été envoyé pour sauver l'humanité. C'est lui qui va apprendre aux gens le dîn, lui et Abu Rumaysa, ils vont apprendre aux gens le dîn et ils vont dire, c'est nous les gens de la sunna et c'est vous les gens de l'égarement. C'est exactement comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah Ta'ala a dit, et celui qui, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, et celui qui, ses mauvaises actions ont été embellies. Et celui qui, yani regarde celui qui, ses mauvaises actions ont été embellies. Qui lui a embelli ses mauvaises actions? C'est le shaitan, bien sûr. Allah Ta'ala a dit, et regarde celui qui, ses mauvaises actions ont été embellies, c'est-à-dire par le shaitan, au point de, il va voir ses mauvaises actions de belles actions. Beaucoup de gens voient quoi? Leurs mauvaises actions, quelles sont de bonnes actions. C'est pour ça que dans la dua, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Oh Allah Ta'ala, montrez-moi. Le juste, montrez-le-moi juste. Et aidez-moi à le suivre. Pourquoi tu demandes à Allah qu'il te montre le juste, il te le montre juste? Parce que il peut te montrer le juste faux. Le juste, tu le vois faux. Le faux, tu le vois juste. La bid'a, tu la vois sunna. La sunna, tu la vois bid'a. L'égarement, tu vas le voir, c'est de la guidance. La guidance, c'est l'égarement. Et comme ça, le kofr, c'est l'iman. Et l'iman, c'est le kofr. Vraiment, si Allah Ta'ala renverse à quelqu'un son cœur à ce point, il y en a beaucoup, bien sûr, auxquels il a renversé leur cœur à cause des grands péchés qu'ils font et à cause des grandes bid'a qu'ils font. Ça veut dire que vraiment, celui-là, c'est la grande perdition pour lui. C'est vraiment, vraiment difficile pour quelqu'un qui est innovateur de revenir vers le haqq. C'est difficile. Pourquoi? Il voit que c'est lui qui est sur le haqq. Non, ce n'est pas comme celui qui fait seulement le péché de boire l'alcool, ou de voler, ou de la drogue. Là, il sait qu'il est dans le faux. Mais le mubtadi, il voit qu'il est quoi? Qu'il est dans le vrai chemin, le juste chemin. Il dit, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont des aveugles, ils ne voient pas la vérité. C'est moi qui suis sur la vérité, et ce sont eux qui sont dans le faux. C'est pour ça que c'est vraiment difficile pour quelqu'un de takfiri, par exemple, qui puisse revenir vers le haqq. Pourquoi? Car comme j'ai dit, il voit le haqq, il le voit quoi? Il voit le haqq faux, il voit le faux qui est haqq. Donc, j'ai dit que de la bid'a découle de graves dangers. On va citer les cinq grands dangers qui découlent de la bid'a. Premier danger. تستلزم تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينا فمقتضى أن الدين لم يكمل. نعم. Le premier grand danger que fait un innovateur, c'est quoi? C'est démentir Allah Azza wa Jal. Lorsque Allah Ta'ala dit dans le verset, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Allah Ta'ala dit, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Alors le mubtadi', c'est comme s'il voulait dire, Ya Allah, ce n'est pas vrai. Non. La preuve, yani, nous on fait des choses, c'est-à-dire les bid'a, nous on fait des choses qui sont nouvelles. Pourquoi? Yani, parce que le dîn n'est pas parfait. Donc, tout innovateur, quand il fait une innovation, c'est comme s'il voulait dire que le dîn n'était pas parfait. C'est comme s'il voulait dire, Allah Ta'ala, yani, a menti dans ce verset quand il a dit, il a parachevé le dîn. Non, le dîn n'est pas parachevé. La preuve, moi je fais encore des choses qui n'existent ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est-à-dire, premièrement. Deuxième grand danger qu'il y a dans l'innovation. تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة فأكملها المبتدع. La deuxième grand danger, c'est que ça, disons, ça induit à la critique dans la charia. Le mubtadi', yani, avec sa bid'a, qu'est-ce qu'il fait? Il critique la législation d'Allah Azzawajal, comme quoi elle est manquante, et que il est venu lui avec sa bid'a pour la compléter. Troisième grand danger, تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها فكل من سبق هذه البدعة أو هذه البدعة من الناس دينهم ناقص وهذا خطير جدا. Troisième grand danger, ça suppose la critique, yani, des musulmans. Pourquoi? Les musulmans qui n'ont pas fait cette bid'a. Quand un mubtadi' fait une bid'a et les autres ne l'ont pas fait, n'ont pas fait cette bid'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils les critiquent. Donc, ils sont, yani, leur niveau des musulmans là est moindre que son niveau à lui. Naam. Il dit donc, leur religion n'est pas parfaite, leur religion est manquante. La preuve, regardez-moi, je fais ces choses, eux, ils ne font pas. Donc, eux, yani, ils n'ont pas un dîn, yani, qui est complet. Quatrièmement, min lawazim hadhihi al-bid'ati anna al-ghaliba anna man ishtaghala bi bid'atin inshaghala 'an sunnah kama qala ba'd as-salafi ma ahdatha qawmun bid'atan illa haddamu mithlaha min sunnah. Quatrième grand danger, c'est que la bid'a engendre quoi? Engendre que quiconque des mubtadi'a, n'am, qui va innover une bid'a, il va quoi? Il va à l'opposé détruire une sunna. Non. C'est comme ça. Toute personne qui invente une bid'a, ça veut dire que en même temps, elle vient quoi? Elle vient de détruire une sunna. Non. Et cinquièmement, أن هذه البدع توجب تفرق الأمة لأن هؤلاء المبتدعات يعتقدون أنهم أصحاب الحق ومن سواهم على ضلال وأهل الحق يقولون أنتم الذين على ضلال فتتفرق قلوبهم. La bid'a, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Naam. Elle fait un grand conflit entre les musulmans et de grandes divergences, et elle disperse les musulmans. Elle les disperse. Naam. Pourquoi? Parce que les gens de l'innovation voient que ce sont eux qui sont sur le vrai chemin. Alors que les autres, les autres gens, pour eux, ce sont des gens qui sont dans l'égarement. Naam. Alors que aussi, les gens de des autres, c'est-à-dire les vrais gens qui sont sur le haq, qui ne sont pas des innovateurs, voient aussi que les innovateurs sont dans la bid'a. Les innovateurs sont dans l'égarement. Donc, les innovateurs voient les gens du haq dans l'égarement, et les gens du haq voient les innovateurs dans l'égarement, et il va y avoir des conflits. Celui-là, il dit à l'autre, tu es un égaré, l'autre dit à l'autre, tu es un égaré, et ils ne vont pas se parler, ils vont peut-être même s'entretuer, et il va y avoir des conflits entre les musulmans. C'est pour ça que, regardez les grands dangers qu'il y a dans la bid'a. فهذه مفاسد عظيمة كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. Il a dit donc la bid'a, l'hérésie, engendre vraiment de mauvaises conséquences, sans parler du mal qu'elle engendre à l'esprit, à la religion. Naam. La bid'a, on vient de voir, elle engendre vraiment des conséquences néfastes pour la Ummah, sans parler du grand mal qu'elle engendre à l'esprit et à la religion. Et ici, va dire Cheikh la chose avec laquelle on va terminer, inshallah ta'ala, il a dit وَبِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ مَنْ قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى ثَلَثَةِ أَقْسَامٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ فَقَدْ أَخْطَأَ وَخَطَأُهُ مِنْ أَحَدْ وَجْهَيْنِ. Il a dit, et c'est pour cela que vous allez savoir que, il a dit, celui qui divise la bid'a en trois sortes, ou bien en cinq sortes, ou bien en six sortes, celui-là, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Et sa faute, c'est de l'un des deux côtés. Donc vous voyez, le prophète a dit quoi? A dit, chaque innovation, kullu bid'atin dalala, est un égarement. Alors que il y a des gens, il y a des musulmans qui quoi, il y a même des savants dans des sectes bien sûr, qui ont dit non, la bid'a se divise en deux groupes, la bonne bid'a, la mauvaise bid'a. D'autres ont dit se divise en trois groupes, et d'autres ont dit même qu'elle se divise en cinq groupes. Ils ont dit il y a la bid'a qui est obligatoire, il y a la bid'a qui est conseillée, seulement mustahab, il y a la bid'a qui est permise, mubah, il y a la bid'a qui est seulement makruha, déconseillé, et il y a la bid'a qui est haram. Ils ont dit, la bid'a se divise en cinq choses. Et Cheikh a dit que tout cela, bien sûr, n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que premièrement, ça contredit le hadith. Le hadith a dit, toute bid'a est un égarement. Bien sûr, sauf si vous parlez de la bid'a dans la dunya. La bid'a dans la dunya, na'am. Il y a la bid'a qui est bien, la bid'a qui est mauvaise, la bid'a conseillée, déconseillée, comme ça. Mais dans le din, il y a une seule bid'a. Une seule bida, ça s'appelle quoi? Hein? Toute bida est un égarement. Cheikh Larmou, il a dit ici, et avec ça on va terminer, inshallah ta'ala, il va dire, une seconde, non. Il a dit, donc celui qui divise la bida en plusieurs sortes, s'est trompé. Et, sa faute vient de l'un des deux côtés. Imma, an la yantabika shara'an wasful bida'ati ala ma sammahu bida. Ou bien, hein, quand cette personne a dit que telle chose était bid'a, en fait, yani, ça ne contient pas les critères de la bid'a. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Celui qui ne connaît pas la définition de la bid'a, il va dire de n'importe quoi, il va dire c'est une bid'a. Donc, Cheikh Larmoua a dit, celui qui dit que il y a bid'a bonne et il y a bid'a mauvaise, ou bien la chose qu'il a appelée que c'est une bonne bid'a, en fait, ce n'est pas une bid'a. Elle ne remplit pas les critères de la bid'a. Donc, il s'est trompé. Ou bien alors, certes, c'est une bid'a. C'est comme il a dit. Mais elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Donc, conclusion, Shir dit, il n'y a pas de bonne bid'a. Toutes les bid'a sont mauvaises, sont de l'égarement. Et toute personne qui dit, il y a une bonne bid'a, on va voir cette chose. Cette chose dont elle vient de dire, c'est une bonne bid'a. Ou bien, on va trouver que ce n'est pas une bid'a du tout. Ça n'a rien à voir avec la bid'a. Celui qui a dit c'est une bonne bid'a ne connaît pas la définition du bid'a. C'est pour ça qu'il a dit d'elle c'est une bonne bid'a. Ou bien, ça c'est vrai. Ce qu'il a dit c'est une bid'a. Mais elle n'est pas bonne. Ce n'est pas comme il a dit c'est une bonne bid'a. Elle n'est pas bonne, il s'est trompé. Non. Ensuite il a dit, alors, si tu vas dire, que vas-tu dire alors sur ce qu'a dit Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est sorti à la mosquée et il a trouvé des gens comme ça en train de faire la prière, yani les prières, la prière derrière un imam, salat tarawih, il a dit ni'matul bid'a. Il a dit c'est une bonne bid'a, masha'Allah, cette bid'a. Il a dit alors qu'est-ce que tu vas dire toi? Omar ibn Khattab, tu connais le dîn mieux que lui. Lui, il dit c'est une bonne bida, et toi tu dis pas c'est une bonne bida, tu dis que les bida, il n'y a pas de bonne. Alors réponds-nous à ce qu'a dit Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, le Cheikh explique. Il a dit Nandoro il a dit bida, il a dit Dakara. On va jeter un coup d'œil sur cette bida qu'il a citée. Pour voir est-ce qu'elle remplit le critère de la bida religieuse ou pas. Non, il a dit Feidanadarna. Mais si on va voir maintenant pourquoi Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu est sorti et pourquoi il a dit c'est une bonne bid'a lorsqu'il a vu les gens prier derrière un imam, il a dit on va trouver que yani, il ne parlait pas de la bid'a religieuse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit Omar ibn Khattab. Pourquoi? Parce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam salla bi ashabi fi Ramadan layali. Le messager d'Allah sallallahu a fait salat tarawih avec les compagnons derrière lui pendant 3 nuits. 3 nuits, il faisait la prière et eux derrière lui, même s'il y avait un voile entre lui et eux, parce que lui il faisait à l'intérieur de la maison et eux étaient dans la mosquée. Il y avait juste un petit voile, un drap derrière, ils le voyaient pas, mais ils le suivaient. C'est lui qui les guidait. Pendant 3 nuits, nam. Ensuite, le messager d'Allah s'est arrêté de faire salat tarawih. Il l'a fait seulement 3 nuits. Pourquoi? Il a dit, khawfan min an tufrada alayhim. Parce qu'il a eu peur. Il a dit, le messager d'Allah a dit, si je continue comme ça, j'ai peur que Allah Ta'ala descende quelque chose pour dire que salat tarawih est devenu obligatoire. Or, le messager d'Allah n'aime pas yani, qu'il y ait quelque chose yani, comme ça. Yani, qui peut être, peut-être, qui peut ne pas être supporté par les Sahaba. Le messager d'Allah veut alléger. Il a dit, je préfère donc m'arrêter, de ne pas continuer salat tarawih. J'ai peur que Jibril vienne et me dise, Allah Ta'ala te dit, il ne faut pas arrêter de la faire. Donc il a dit, je préfère m'arrêter comme ça. Yani, ça ne va pas peser lourd sur mes compagnons après moi quand je vais mourir. Non. Donc, Cheikh Allah Al-Hamoudi, donc, salat ou tarawih a été faite par le messager d'Allah. Donc, salat tarawih en elle-même est une sunna. Le messager d'Allah l'a faite. Donc, il est impossible que ça soit une bid'a. Donc, comment se fait-il que Omar ait dit ni'mat al-bid'a? Oh, mashallah, quelle bid'a! Donc, c'est impossible qu'il voulait dire c'est une bid'a yani, qui est un égarement. C'est pas possible. Le messager d'Allah fait une chose et Omar va dire c'est un égarement ce qu'a fait le messager d'Allah. C'est impossible. Mais pourquoi il a dit bida? Il a dit bida, pourquoi? Parce que les gens après la mort du messager de l'Allah, ne l'ont plus faite. Ne l'ont plus faite, salat Tarawih. Et quand Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, les a vus une fois en train de faire salat Tarawih, je dis ne l'ont plus faite, c'est-à-dire ne l'ont plus faite avec un seul imam. Mais ils la faisaient, ou bien les gens faisaient la prière seuls, salat Tarawih, chacun fait seul dans la mosquée, ou bien des gens derrière, deux ou trois derrière un imam, et là-bas quatre ou cinq derrière un autre imam, et dans l'autre coin, cinq ou six derrière un autre imam, Omar Bouktab s'y dit. Il a dit, pourquoi je laisse les gens comme ça éparpillés, et si je les regroupais derrière un seul imam? Non, derrière, par exemple, Ka'b, ou Ibn Ka'b, ou bien Tamim Dari, et yani, un seul imam va les guider. Pourquoi je ne fais pas comme ça, alors que le messager d'Allah l'a fait? Lorsqu'alors, il leur a dit, ne faites plus la prière comme ça éparpillée. Mettez-vous tous derrière, par exemple, Ubay ibn Ka'b ou bien Tamim Dari. Et ils ont commencé à faire Tarawih derrière un seul imam. Alors, une fois, Omar ibn Khattab est sorti dans la mosquée, il les a vus tous comme ça, groupés, alors qu'ils étaient éparpillés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Masha'Allah, quelle bonne bid'a. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, yani, c'est une bid'a dans le sens où elle a été, comment on dit, elle est presque morte, cette sunna du messager d'Allah. Elle est presque morte, elle a été oubliée. Ils ont commencé à faire la prière éparpillée alors que la sunna existe. Le messager d'Allah a fait salat tarawih 3 jours. Il a dit, mais maintenant qu'ils ont été regroupés, masha'Allah, quel bid'a. Ça veut dire quoi ici, bid'a? C'est comme dit Cheikh Ibn Othaymine, lorsqu'on délaisse une chose au point où elle va être oubliée. Ensuite, alhamdoulilah, on est la cause pour qu'elle revienne. Il a dit, en ce sens, c'est une bid'a. C'est une bid'a, c'est-à-dire, c'est une chose nouvelle. C'est une chose nouvelle, nouvelle par rapport, yani, à ceux-là, yani, qui ne la faisaient plus. Sinon, religieusement, ce n'est pas une chose nouvelle. Religieusement, salat Tarawih existait. C'est le message d'Allah qui l'a faite. Yani, il y a la base, il y a la sunna de salat Tarawih. Mais le fait qu'elle ait été oubliée un certain temps, ensuite reprise par Omar Mokhtab, en ce sens, c'est quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'a voulu dire Omar Mokhtab, radiyallahu ta'ala anhu, mais il n'a pas voulu dire yani, la bid'a qui est un égarement. Il a dit, astaghfirullah. Et ensuite, il Cheikh Ibn Othaymine, l'a cité, il a dit, regardez par exemple, lorsque yani, certains gens sont venus vers le messager d'Allah, et il les a vus vraiment dans un état lamentable, vraiment pauvre, pauvre, pauvre, mal habillé, yani, des vêtements déchirés, qui avaient vraiment faim. Nam, et il a poussé, il a exhorté les gens pour que yani, il fasse l'aumône à ces gens-là, aux pauvres. Alors quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un, il est vite yani, allé chez lui, il a ramené une, ce qu'on attendait, comment qu'on appelle ça? Non, c'est pas une gourde. Une bourse, il a ramené une bourse pleine d'argent. D'argent, c'est-à-dire le métal, l'argent, l'or et l'argent. Plein d'argent, et il l'a mise entre yani, les mains du messager d'Allah, et lui a dit, yani, donne-la. Ou là, il a commencé, lui, à en donner comme ça, à droite et à gauche. Qu'a dit le messager d'Allah, il a dit, Men sunna sunnatan. حسنة يعني في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة رواه مسلم. Celui qui apporte une bonne tradition, نعم, en islam, il a ses récompenses, ses attributions, ses rétributions et les récompenses de ceux qui travaillent avec cette sunna qu'il vient de rapporter. Mais en fait, le fait de faire l'aumône, yani, est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est une sunna qu'a ramené cet homme? Non. Le fait de l'exhortation à l'aumône, ça se trouve dans le Coran et ça se trouve dans les hadiths. Mais qu'a fait cet homme? Il a fait quelque chose d'oublié. Il a rappelé les gens en commençant à donner lui-même, en se prenant comme modèle. C'est pour ça que ça s'appelle apporter une sunna. Alors qu'en fait, il n'a rien apporté. Il a seulement été le modèle à guider, à être le modèle, à être le premier à donner aux gens. Le message d'Allah, il a dit, il a fait une bonne sunna. Alors qu'en fait, la sunna existe. C'est le message d'Allah qui quoi? C'est le message d'Allah qui nous a montré qu'il fallait faire l'aumône. Voilà, inshallah ta'ala, pour le dars d'aujourd'hui. Inshallah ta'ala. Préparez-vous, inshallah ta'ala, pour qu'on commence à répondre. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.